France Inter. Affaire sensible la fiction, une série en 4 épisodes, Le Grand Charlatan. Charles attend en 2 mots, comme Charles et le verbe attendre. Fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir, coordination Christophe Barrère. Dans cette série imaginaire, vous écouterez dans l'émission d'aujourd'hui le premier épisode intitulé « L'appel du 18 juin », l'appel comme l'appel qui va avec le râteau, et le deuxième, le costume du général. Puis demain, vous pourrez écouter les épisodes 3, le rappel du 18 juin, et le quatrième et dernier de cette série, le concours, une série qui décrit le pouvoir hier, aujourd'hui et demain. À l'heure où la réalité politique est parfois invraisemblable, la fiction, avec le décalage qu'elle offre, nous permet de réinterroger le réel et certaines « évidences » entre guillemets de la vie politique contemporaine. Parmi ces évidences, se trouve en bonne place la figure indépassable du général de Gaulle, bien sûr, revendiquée comme modèle absolu depuis des décennies par tout le spectre politique français. Pourtant, la statue du commandeur tremble sur ses bases et certains considèrent désormais l'héritage de 1958 comme dépassé. Projetons-nous dans un futur pas si improbable et pas si lointain, au tournant donc de l'année 2030. Au moment où un savant mi-fou, mi-visionnaire, le professeur Latour, se met en tête de redonner vie au grand homme par des moyens douteux, mais bien sûr, le professeur trouvera sur son chemin le chef de l'État en exercice, le président Jourdain, en l'occurrence, qui, dépassé par des crises à répétition, va vouloir lui couper l'herbe sous le pied et prendre enfin de l'avance sur l'actualité. Alors, qui, du professeur Latour ou du président Jourdain, deux noms de pure fiction qui sonneront peut-être familièrement à vos oreilles, qui des deux saura faire revenir le grand Charles? Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le grand Charles attend. Une série de François Perrache. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Mesurons aussi que bien peu d'hommes ont eu deux fois rendez-vous avec l'histoire. À ceux qui, aujourd'hui, par ignorance ou par calcul, voudraient ébranler cet édifice, je dis mesurer toute l'irresponsabilité qu'il y aurait à brader ce qu'il y a de plus solide dans nos institutions. Premier épisode. L'appel du 18 juin. Aujourd'hui donc, dans Affaires sensibles, retour sur l'échec retentissant de l'opération secrète dite du Général Gaulle II, qui opposa le président Jourdain au professeur Latour et qui précipita la chute de la 5e et dernière République. France Inter. Affaires sensibles. Remontons au début des années 30. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent comme d'une période particulièrement chaotique sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan environnemental, sanitaire, sécuritaire, géopolitique, sexuel, identitaire, culturel, immobilier, sportif, vestimentaire, historique, musical, civilisationnel, orthographique, alimentaire et, bien sûr, politique et institutionnel. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. En ces fins de mandat du tristement célèbre président Jourdain, notre pays s'apprêtait à plonger dans ce qu'on n'appelait pas encore la grande crise. Mais comme disait un illustre prédécesseur, n'allons pas trop vite. Replongeons-nous d'abord dans cette période trouble. Confronté à une crise multifactorielle, élu puis réélu sans véritable soutien populaire, incapable de trouver une majorité politique, le président Jourdain ne devait son maintien qu'à la menace permanente du chaos, à un contrôle policier sévère et à un texte antédiluvien devenu anachronique. Cette constitution avait été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel. Ce temps est révolu. Mesure-t-on bien aujourd'hui les dangers que ce texte permet, si son usage tombait entre certaines mains d'apprentis sorciers? Claquemuré en son palais de l'Élysée, le président Jourdain va alors affronter un adversaire d'un nouveau type, le mystérieux et charismatique professeur Latour. Portant subliminalement son nom, la Babel Tower Corporation, que dirigeait d'une main de fer le professeur, avait développé, on s'en souvient, ses propres réseaux sociaux et engrangé des profits records échappant à tout impôt et tout contrôle. À la tête d'un puissant empire économique et médiatique, le professeur Latour s'apprêtait à changer les règles du jeu démocratique. C'est là que débute notre histoire, dans un paisible village de Haute-Marne, célèbre pour son prieuré du XIIe siècle et son église Notre-Dame, qui domine un modeste cimetière. Dans le silence et la douceur de la nuit d'un 1er juin, les deux assistants du professeur Latour vont commettre l'irréparable. C'est marrant parce que, à 15 jours près, ça aurait fait la blague. Hein. L'appel. T'as compris? Ça aurait été l'appel du 18. Oh. Oh, ça va, Clo? Bah non, ça va pas. T'es délicate pour une biologiste, hein. On n'a même pas ouvert le cercueil. Et tu vomis aussi quand tu fais tes dissections? Ah, j'ai jamais aimé ça. Même quand c'est des souris, alors là. Antoine. Ouais. C'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Bon, Chloé. Tu le veux ton échantillon ou pas? Hein? On va pas revenir bredouille, le professeur ne nous pardonnerait pas. On ouvre la boîte, on referme proprement, juste le temps de lui piquer un os ou un poil de moustache. Un os? Des cellules de moelle osseuse. T'as pensé à prendre des gants? C'est qui la biologiste? Tu parles d'une biologiste qui tourne de l'œil à la vue du sang. Pour l'instant, moi, je suis juste bon à creuser. Et à pondre des algorithmes informatiques. Ouais, je te le fais pas dire. Moi, je suis informaticien, pas terrassier. Et encore moins croque-mort. Bon, je dois plus être très loin. Encore quelques... Hé ? Tu crois qu'on va le retrouver sur le dos ou sur le ventre ? Quoi ? Là, il paraît qu'il passe son temps à se retourner dans sa tombe. Tu crois qu'on va le retrouver sur le dos ou... Bingo. Le premier numéro de ce soir sort de la sphère. Le 49. C'est au tour du deuxième numéro. Le 44. Regardez, le troisième numéro arrive. Le 47. Chérie ? Bon, ben entre maintenant que... Ton conseiller spécial voudrait te parler. Pourquoi c'est toi qui viens me... C'est très grave, c'est important que j'assiste à cette réunion. Je te rappelle une nouvelle fois que c'est moi qui ai été élu. Monsieur Alamanque. Non, mais ça aussi, tu permets, c'est mon bureau. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Asseyez-vous, monsieur Alamanque. Greta, tu permets? Oui, non, je... Mais oui, asseyez-vous là. Ben oui, maintenant que... Assis, Jacques. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il paraît que c'est grave. Très. Très, monsieur le président. Très. Peut-être. Très. Peut-être. Oui, non. Une note blanche des RG, monsieur le président. Reçue à l'aube. Un signal faible. À ne pas négliger. Signal faible, mais signe fort. Prélude à une crise grave. Issime. Issime. Gravissime, la crise. Une de plus, une de moins. C'est quoi votre signal faible? Signal faible, monsieur le président, mais signe fort. Peut-être même signe noir, prémisse de catastrophe. Signe l'oiseau. Je comprends rien, Jacques. Je sais que vous êtes très intelligent, on me l'a dit, même on me l'a redit, mais c'est embêtant pour un conseiller spécial. La plupart du temps, quand vous me parlez... Bon, allez-y, monsieur Alamanque, racontez... Greta. Oh, Jacques, venez-en au fait. Cette nuit... À Colombey. Hein? Colombey. Colombey. Colombey, les deux... Oui, oui. Colombey. Colombey. Le Colombey. Tu vas voir, c'est très... Et? Cette nuit, au cimetière de Colombey, une intrusion. Hein? Très grave. Qu'est-ce? Et? On a profané la tombe du général. Oh! Ah! Oui. La tombe du général... Le général de... Oui, oui. Le général. Mais qui? Pourquoi? C'est toute la question, monsieur le président. les services ont mis en place une enquête discrète. Absolument personne n'est au courant de cette intrusion, en dehors de la gardienne du cimetière, qui a prévenu discrètement la gendarmerie, qui, subodorant une affaire sensible, a discrètement prévenu la direction du renseignement territorial à Paris, qui, dans sa clairvoyance, discrètement a prévenu le commandant militaire de l'Élysée, qui m'a réveillé au petit matin en toute... Ma question, c'est pas qui est au courant. Ma question, c'est qui a fait le coup? Et quelle profanation? Ils ont cassé la croix de Lorraine? Tagué un message? Une revendication? Apparemment, non. Rien. Et c'est d'autant plus mystérieux que la tombe semble avoir été ouverte, puis rebouchée avec soin. Des investigations... Discrètes sont en cours, mais nous craignons le pire, monsieur le Président. Des prélèvements auraient pu être faits sur le squelette du général. Des prélèvements? Mais qui? Pourquoi? Un malade qui voudrait exposer un tibia du général sur sa cheminée. À la rigueur, ce qui pourrait avoir de la gueule, c'est le crâne du général. Hein, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Quitte à ouvrir la tombe, tu peux peut-être demander au mobilier national de récupérer son crâne pour décorer ton bureau. Tous tes prédécesseurs ont eu la photo du général sur leur bureau. Mais toi, si t'avais le crâne sur ton bureau, en presse-papier... Je crains, Madame Jourdain, que ça ne soit pas très bien perçu par la famille. Ça doit être quelque chose de tenir le crâne du général dans sa main. Ni par qui que ce soit, d'ailleurs. Tenir dans sa main le crâne d'une des plus grandes intelligences politiques de l'histoire de France. À la rigueur, une panthéonisation... Le général s'y est toujours opposé. Tenir le crâne du général dans sa main et méditer sur le destin des grands hommes. Tel un Hamlet élyséen. Être ou ne pas être. Chérie, tu peux reposer mon agrafeuse, s'il te plaît. Être ou ne pas être gaulliste. Telle est la question, Madame Jourdain. Mais la réponse en est facile. Bien qu'il ait presque toujours récusé l'adjectif, on dit que le général lui-même aurait dit que tout le monde a été et ou... Sera gaulliste, c'est pas De Gaulle, c'est Malraux. Bon, cette profanation, vous pensez que ça pourrait être l'œuvre d'un déséquilibré, d'un fétichiste? C'est sans doute plus grave, monsieur le Président. D'après les premiers éléments d'enquête, monsieur le Président, une camionnette aurait été repérée à proximité du cimetière dans les jours qui ont précédé la profanation. Et l'identification de la plaque minéralogique a mené indirectement les enquêteurs sur la piste de la Bubble Tower Corporation. La ? La Bubble Tower Corporation. J'ai fait allemand, première langue. Pour ce que ça sert, hein, il n'y a qu'à voir l'état de l'axe Paris-Berlin. La Bubble Tower du professeur Latour ? Il continue à faire parler de lui, celui-là ? Ça lui suffit pas de faire du fric ? Qu'est-ce qu'il vient foutre à Colombey ? Et pourquoi des prélèvements sur un cadavre ? Et pourquoi le général ? Telles sont les questions moins faciles, monsieur le Président. Les services aussi sont inquiets. Très. Mais il n'est pas interdit d'exercice de la médecine ? Radié de l'ordre il y a une vingtaine d'années. Et quoi ? Il se remettrait en douce à ses petites expériences, le docteur Frankenstein ? Il s'est bien reconverti dans l'informatique, non ? Il a d'abord fait fortune dans les logiciels de traduction automatique, d'où le nom de sa compagnie, Babel. Babel Tower. Tower pour la tour et Babel Tower... La traduction automatique. Et le web aussi, non ? Les réseaux sociaux, toutes ces conneries. Il ne développe pas des projets dans... L'intelligence artificielle. Un domaine, comme vous le savez, en pleine expansion. Le professeur est en bonne position pour devenir un leader européen du secteur. Pourquoi un ancien charlatan spécialiste de l'intelligence artificielle irait profaner la tombe de De Gaulle? Peut-être le professeur veut-il réaliser son grand dessein, le grand œuvre de sa vie. C'est-à-dire? Outre l'affaire des faux vaccins, ce qui a précipité sa radiation de l'ordre, est que le professeur Latour s'est toujours intéressé de très près, trop près, au clonage animal, puis humain. Vous ne voulez quand même pas insinuer qu'il aurait l'intention de cloner? Hein? Non. Si. Oh. Ah, mais il faut absolument arrêter ça. Ah, non, merci. Un général de Gaulle, ça va, mais deux générales de Gaulle... Bonjour, les... Ro. Hein? Ro. Ro. Ah, quoique... De général de Gaulle. Non, je pense que j'ai raison. On dit un général de Gaulle, deux généraux de Gaulle. Ou alors, c'est une exception. Comme festival, carnaval. Chacal. Bon, Greta, merci beaucoup de cette intervention très intéressante. Mais pardon, tes leçons... Ah oui. Ah, très bien. Non, Greta. Grégré. Ne claque pas la vitre. Allez, va t'occuper de tes pièces jaunes. Bon, Jacques, surveillez-moi cette histoire comme le lait sur le feu. Je veux un dossier complet sur le professeur Latour et ses activités. Mais je m'en occupe personnellement. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site web de sa compagnie. C'est www.babbletower.com. Vous croyez que j'ai le temps pour ça ? Au travail, Jacques. C'est très grave, cette histoire de profanation. Oh, vous savez, monsieur le Président, en termes de profanation, depuis 1970, tous les 9 novembre, la tombe du général en a vu d'autres. Le grand public ne connaît pas bien son visage. Dans le défilé des hommages, personne ne prête attention à lui. Mais très vite, l'onde de choc se répand à Colombey. Un leader du Front National a osé se recueillir sur la tombe du général. Vous savez, quand, comme l'UMP, le Parti Socialiste, comme M. Copé, qui a l'indécence quand même de venir, on vient de signer un nouveau traité européen qui va livrer toute la liberté du peuple français, toute sa souveraineté à des banques et à des gens non élus à Bruxelles, on ne peut pas se dire décemment gaulliste. Régional, toujours Philippe Richard, chef de file de la droite et du centre dans le Grand Est, a fait campagne aujourd'hui à Colombey, les deux églises. Il s'est recueilli solennellement devant la tombe du général de Gaulle. Nadine Morano, dont il a demandé l'éviction, a eu la même idée hier soir, seule, dans le noir. Claude, t'es là ? Mais ferme la porte ! Ferme ! Ferme ! Ok. Qu'est-ce que tu fous dans le... Non ! Non, éteins ! Quoi ? Mais merde, Antoine ! Qu'est-ce que tu comprends pas dans ne pas entrer ? Ah, mais c'est bon, pardon, j'avais pas vu... Bah non, c'est pas bon ! Tu viens de foutre en l'air une heure de manip ! Regarde ça ! Je peux plus rien faire ! Mais merde ! Pardon, Claude, mais comment tu voulais que je sache ? T'es dans le noir ! Bah, à ton avis, Einstein, pourquoi je suis dans le noir ? C'est de la réplication ARN. C'est photosensible. Ne pas entrer, tu comprends le français ou tu parles que le Java truc, là, de tous tes langages d'autistes ? JavaScript. Ce que tu viens de dire, Chloé, c'est stigmatisant pour les autistes. Ne pas entrer. L'idée, en fait, c'est que tu n'entres pas, ni toi, ni personne. Justement, moi, je descendais te prévenir gentiment. Bonjour, l'accueil. Quoi ? Prévenir de quoi ? Je viens de passer une heure un peu tendue avec le professeur pour lui présenter la V9 du nouveau chatbot. Enfin, bref, quand je suis sorti de son bureau, le professeur m'a dit qu'il publiait une petite vidéo, puis qu'il descendait te voir juste après pour savoir si, de ton côté, ça avance. Maintenant ? Le professeur ? Ici, au labo ? Bah, je serai jamais prête ! Et là, en plus... Qu'est-ce que vous faites là, Antoine ? Je passais juste... Je remonte à mon bureau. Restez là. C'est l'occasion de faire un point avec vous deux. J'espère, Chloé, que vous serez moins décevante que votre collègue. Où en êtes-vous de vos recherches ? Avec l'aide d'Antoine, j'ai donc pu prélever un os sur le squelette du général. Le protocole, encore expérimental, est le suivant. Mon idée, pour contourner les précédents échecs, serait de cloner uniquement, si j'ose dire, les cellules neurologiques. En gros, on ne clonerait que le cerveau. Après tout, c'est l'essentiel, quoique le physique et la carrure du général aient beaucoup compté. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. Et si De Gaulle avait fait 1m60 ? On l'aurait appelé Napoléon. Épargnez-nous vos commentaires, Antoine. Et en admettant, Chloé, que vous obteniez un cerveau viable, quelle sera l'étape suivante ? Restera alors à greffer le cerveau sur un porteur sain. Autre étape délicate. Tout ça va prendre un temps fou, que nous n'avons pas. Peut-être devrait-on abandonner la piste biologique pour concentrer nos efforts sur les travaux d'Antoine. Si je peux me permettre, professeur, les deux pistes sont complémentaires. On peut imaginer que l'organe cérébral obtenu par Chloé vienne enrichir le processus d'apprentissage de la machine que je suis en train de coder. La piste bio-informatique. Ok, avançons encore sur nos deux pieds pour le moment. Et donc, Chloé, je peux voir vos essais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un accident ? C'est juste une éprouvette qui... Juste une éprouvette. Je vous écoute, Chloé. Pourquoi, dans un laboratoire de pointe où je laisse une bonne partie de mes deniers pour financer un matériel au coût exorbitant et un personnel à la compétence douteuse, suis-je en train de détériorer la semelle de mes chaussures dans des débris de verre ? C'est moi, professeur. J'ai voulu aider Chloé dans ses manipulations et... Ah ? Je me réjouis que vous cherchiez à travailler ensemble. Je crois beaucoup au collectif. Mais dans la stricte limite où ça ne vous ralentit pas dans vos axes de recherche respectifs. La collaboration et la compétition sont les deux mamelles de l'innovation technologique, du progrès humain en somme, et de la vie elle-même. Il est temps de donner un coup d'accélérateur à ces recherches. Je veux mobiliser l'ensemble du personnel de Babel Tower sur l'opération Général Gaulle 2. Il est temps de mettre cette compagnie au travail. Seule une performance exceptionnelle sera tolérée, à commencer par vous deux. Il vous reste environ 15 jours. Je rendrai public le résultat de nos recherches le 18 juin. Impossible, professeur. Enfin, il faut repousser votre annonce. La vidéo de teasing est déjà en ligne. Au travail, la France nous attend, le peuple attend son sauveur. La nation qui seule et juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Et le général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public, qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions. Ça, c'est moi. Il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps. Ça, c'est le drame contemporain. La possibilité. On n'a plus le temps. Il existe un parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais oui, bon, ça... sans sortir de son rôle. Voilà. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Oui. Oui. Vive la République! Vive la France! Et il se fait applaudir. Hein. Il se fait acclamer. Il faut reconnaître, Charlie était fortiche. Comment il faisait? Mais comment il faisait? Comment ressembler au général de Gaulle? Pour ressembler au général de Gaulle, il faut avoir de la force de caractère et de l'intelligence, une grande capacité de leadership et de persuasion et une vision claire. Il faut également avoir une attitude détendue et un certain sens de l'humour. Il est important d'avoir une connaissance approfondie de l'histoire et des enjeux contemporains. Ah, merde. Oui. Je vous dérange, monsieur le président. Si c'est encore pour me dire que le gouvernement n'est pas foutu de faire voter ma dernière réforme et qu'ils ont mis tout le pays dans la rue... Hélas, oui, monsieur le président. Concernant l'adoption du texte au Parlement, votre majorité est malheureusement toujours trop fragile. Oui, vous savez ce que vous avez à faire. Utilisez la procédure habituelle. Et pour le reste, faites aussi comme d'habitude. Renforcez les effectifs de sécurité, dénoncez les casseurs, envoyez les ministres sur les plateaux pour faire de la pédagogie, et préparez-moi un communiqué où je dis que les Français n'ont pas compris l'esprit de mon action. Je m'en occupe, monsieur le président. Bon, attendez. Puisque vous êtes là, vous pourriez me trouver un bouquin. Un bouquin? Quel type de livre, monsieur le président? Attendez voir. Voilà, c'est là. Un livre, si vous voulez, Jacques, qui me permettrait d'acquérir assez vite une connaissance approfondie de l'histoire et des enjeux contemporains. Vous voyez? Et pas trop compliqué. Moi, la pensée complexe... Je vais voir ce que je peux trouver, monsieur le... Ah, mais poussez-vous, vous, toujours dans nos pattes. Chérie, regarde. Regarde, 2,5 millions de likes en moins de 10 minutes. 2,5 millions, et ça grimpe à vue d'œil. De quoi tu me parles? Et de ça, ça, une vidéo du professeur Latour. Alors, je te passe le début. Voilà. Écoutez-moi ce fumier. Il est temps d'offrir à nos concitoyens un leader digne de les représenter et de les guider. Les équipes de Babel Tower mettent actuellement toutes leurs compétences et leur énergie pour vous proposer une forme entièrement nouvelle, révolutionnaire, de leadership transpartisan, intègre, indépendant des lobbies, rationnel et efficace. Car il est temps de rétablir l'ordre dans ce pays et d'en recouvrer la grandeur. Je vous donne rendez-vous le 18 juin pour que vive la France. Ah, il a pas dit vive la République. Ce malade est en train de nous prendre de vitesse. Si Latour a traîné à Colombey et qu'il fait son annonce le 18 juin, il n'y a plus de doute sur ses intentions. Alors, on va le prendre à son propre jeu. Il a raison, Latour. Il faut un sauveur. La France a toujours eu besoin d'un sauveur. Jeanne d'Arc, Napoléon, et sans De Gaulle, on serait tous des enfants de Pétain. C'est quoi ton idée? Jusqu'à preuve du contraire, je suis bien le président de la République, non? Oui, bien sûr, c'est vous le président, monsieur le président. Donc, l'État, c'est moi? Oui. Donc, c'est moi qui vais ressusciter le général De Gaulle. Vous? Oui, lui. Moi? Président? Oui. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Oui. Moi, président? Oui, oui. Jacques, on a 15 jours pour faire du président Jourdain le nouveau général De Gaulle. France Inter. Affaires sensibles. Le grand Charles attend. Une série de François Perrache. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode. Le costume du général. Pour moi, De Gaulle appartient à la France. Alors, je suis toujours un peu sceptique devant les entreprises de racolage politique. Je ne juge pas, je constate que il y a des ralliements qui me paraissent indécents, qui manquent de dignité. Mes amis, je n'ai qu'un modèle en politique, celui du général de Gaulle. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Notre Constitution ne fait pas du président de la République un PDG, et encore moins un sultan turc. Aïe, mais aïe! Mamamouchi, stop! Chérie, bah parle-lui gentiment. Il est en train de bouffer mon conseiller spécial. Mamamouchi! C'est rien, monsieur le président. Aïe! Mais oui, mais il veut juste jouer. Oui, mais ça saigne un peu quand même. Aïe! Allez, maman, viens, mon mamamouchi. Viens voir maman, mon maman. Viens là, oui. Oui, voilà. Voilà. Bon. On peut commencer la réunion? Jacques, on vous écoute. Greta, si tu permets. Jacques, on vous écoute. Bien. D'ici le 18 juin, il nous reste un peu moins de 15 jours pour vous préparer, monsieur le président, à devenir, sinon la réincarnation, du moins le digne successeur du général. 15 jours, c'est court. Si l'on considère que Charles de Gaulle a quant à lui mis toute une vie pour devenir le grand homme que l'on connaît, et qu'avant de réaliser sa grande œuvre constitutionnelle de 1958, qui régit aujourd'hui encore la destinée de notre pays, Charles de Gaulle aura traversé, entre autres choses, deux guerres mondiales et des guerres coloniales, une condamnation à mort, l'exil, la reconstruction complète du pays, la refonte du système social et économique, la refondation de nos institutions et de la République elle-même, la réhabilitation internationale de la grandeur de la France, avec un siège au Conseil de sécurité, et même une traversée du désert de plusieurs années, durant laquelle il écrira ses admirables mémoires. Moi aussi, adolescent, j'avais de l'ambition. Moi aussi, je pensais qu'à ça. Avant même d'avoir assez de poils pour me raser. Moi aussi, j'ai écrit très tôt sur l'avenir de la France. J'avais même un blog. Moi aussi, j'ai une certaine idée de la France. Alors certes, De Gaulle, je ne dis pas qu'il a eu la partie facile, mais moi aussi, j'ai traversé des épreuves. Et dès le début, hein ? Combien de fois t'as dû te représenter, mon pauvre chéri, avant de gagner ta première élection cantonale ? Départementale. Et arrivé ici, Jacques, c'est pas fini. C'est le début des épreuves. Ah, on dit l'enfer de Matignon, mais vous croyez que l'Élysée, c'est le Valhalla ? Une fois élu, c'est là que les ennuis commencent. La tambouille pour former un gouvernement qui fasse plaisir à tout le monde, à moitié composé de débiles et l'autre moitié de mise en examen. Le casting, impossible, pour trouver un bon Premier ministre. Je vous souhaite bien du courage pour trouver le mouton à cinq pattes dans ce ramassis de... Il faut quelqu'un qui soit suffisamment maso pour s'en prendre plein la tête toute la journée et assez intelligent pour comprendre ce qu'on lui demande, tout en étant assez servile pour ne pas vous faire de l'ombre. Et en plus, maintenant, il faudrait que ce soit une femme ou un noir ou Et un... les dîners officiels et les déplacements internationaux. Le lundi, je suis à Pékin, le mercredi en Australie, le reste de la semaine en Afrique avec tous leurs chefs de tribu. Ah, ceux-là, tu peux plus rien leur dire. Ils sont devenus insusceptibles quand je pense à tout ce qu'on a fait pour eux. Mais à Paris, je suis pas plus tranquille. Le Conseil des ministres. Alors, tous les mercredis, c'est le bureau des pleurs et la cour de récré et les négociations sans fin dès qu'on veut changer quelque chose dans ce pays avec les partenaires sociaux. Je devrais plutôt dire les adversaires sociaux et les députés élus grâce à moi, mais qui veulent faire la loi. Oui, bon, en même temps, c'est leur rôle. Jouez pas sur les mots. Et les autres gâteux qui veulent aussi donner leur avis alors que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. On perd un temps fou. Sans parler de la censure constitutionnelle, par les plus gâteux des gâteux. Je ne suis pas président de la République, Jacques. Je suis directeur d'un EHPAD. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes, et on se cabre, on résiste... Parce que ce n'est pas une épreuve, peut-être ? Tous ces manifestants, tous les jours, contre moi, qu'est-ce que je leur ai fait ? Ils m'ont élu. Et on dirait qu'ils veulent pas que je les gouverne. Mais comme vous le savez, monsieur le président, depuis des décennies maintenant, la participation est en chute libre. Et le vainqueur de l'élection présidentielle bénéficie souvent, pour une large part, d'un vote de rejet. Et disons que, sans vous contraindre, ce vote qu'on pourrait qualifier de vote par défaut, vous oblige, en quelque sorte. Et lorsqu'au surcroît, certaines de vos réformes n'étaient pas dans votre programme... Mais c'est ça, il fallait qu'ils y pensent avant. Avant de voter. La Constitution, c'est pas fait pour les chiens. Moi, ici, j'ai un bail de 5 ans. Renouvelable et renouvelé. Donc, tu fais bien ce que tu veux. Alors disons, pour filer votre métaphore immobilière, que vous êtes certes locataire, monsieur le président. Mais que c'est le peuple qui reste propriétaire. Eh ben, en France, tout le monde vous le dira, la loi protège les locataires. Alors ils peuvent bien continuer à gueuler, à jouer à cache-cache avec les CRS et à la balle aux prisonniers avec des pavés, des lacrymos, des flashballs. Je m'en bats l'œil. C'est le cas de le dire. C'est épuisant d'avoir raison contre tout le monde. Mais bon, c'est mon rôle. Donc je ferai des réformes que je veux, que je crois utiles au pays. De toute façon, chérie, ça ne va jamais. Tu vas gentiment faire l'effort, une fois par an, de t'intéresser aux bougeux pendant leur salon du taureau qui a la plus grosse. Tu te prends un œuf en pleine poire. Et même à titre personnel, tu peux plus rien faire. Tu te rappelles la fois où t'as juste voulu te balader dans Paris sans escorte, hein ? Ils en ont fait toute une histoire, en une, pendant une semaine. La presse, c'est plus ce que c'était. Je sais de quoi je parle. Je suis une ancienne journaliste. La une de la presse People pour une balade. Ce serait pas arrivé du temps du général. Même en vacances. Cet été, ma femme et moi, on voulait montrer l'exemple. Pour faire des économies, on va... À Brégançon. Brégançon. Une espèce de prison avec la déco qui date de Giscard. J'ai le malheur de faire un tour de scooter des mers, 20 minutes. Vous rappelez-vous, Jacques, moi, je demande une faveur à mon mari en 5 ans. Une. La pizza ? Oui. La pizza. Je demande à mon mari, pour me faire plaisir pour une fois, de faire installer un petit four à pizza dans l'Airbus présidentiel. Bon, il ne pense plus, chérie. Alors, on mange du homard, ça va pas. De la pizza, ça va pas non plus. C'est pas assez populaire, peut-être, la pizza. Bientôt, faudra servir des knackis, de la vache qui rit et de la bière pour recevoir le roi d'Angleterre. Oui, mais c'est vrai que, en comparaison avec le général, rien n'était assez fastueux à l'Élysée lorsque la France recevait. Mais il tenait à payer lui-même la note d'électricité de son appartement privé. Ben forcément. Forcément, à l'époque, l'électricité, c'était beaucoup moins cher. Ma femme a raison. Les gens sont devenus d'une démagogie par rapport à ça. Merde, je suis quand même chef de l'État de la 5e puissance mondiale. 7e, bientôt 8. Je suis président de la République et il faudrait que je m'éclaire à la bougie comme les Amish et que je prenne peut-être les transports en commun. Imagine-t-on le général de Gaulle sur un Vélib? Alors les épreuves, Jacques, je connais. Et certes, de Gaulle, je nie pas qu'il a un bon bilan, mais moi aussi, j'ai fait des trucs. Et des trucs importants depuis que je suis là. Hein, chérie? Oui. Oui, ça... Ça, oui. Par exemple... Vas-y, chérie, dis-lui, toi, hein. Tout ce que t'as fait depuis que t'es élu, moi, il m'énerve trop. Dis-lui, toi, ce que t'as fait. Oh, ce n'est pas à moi de faire mon propre panégyrique. Jacques est bien placé pour savoir tout ce que j'ai fait. Panégyrique. Quoi? Je me permettais simplement d'indiquer que si Rome ne s'est pas faite en un jour, le général se refera difficilement en 15. Raison de plus pour s'y mettre tout de suite. Donc c'est quoi, votre plan? Mon plan? Vous avez bien un plan. Il est où, votre plan, pour faire de moi le nouveau général de Gaulle? Derrière la porte, monsieur le président. C'est une plaisanterie, du sabotage. Je vais vous expliquer, professeur. J'espère bien, Chloé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un veau? Je vois bien que c'est un veau. Qu'est-ce qu'un veau vivant au milieu de la paille et des bouses fait dans un laboratoire de biotechnologie ultramoderne? Sortez-moi ce truc d'ici immédiatement. Au besoin, je le conduirai moi-même à l'écarissage. Non! Pardon? Non, s'il vous plaît, professeur. Faites-moi confiance. J'avais l'intention de vous en parler très vite, mais j'ai installé Charles de Gaulle ici parce qu'il sera le premier porteur. Qui? Je l'ai appelé Charles de Gaulle pour le conditionner. C'est pour ça que je lui fais écouter en boucle des discours du général, pour commencer à l'imprégner. Ce veau s'appelle Charles de Gaulle? Parfois, je l'appelle juste par son prénom, mais il réagit moins. Maintenant, il va falloir m'expliquer, Chloé. Professeur, ces derniers jours, les progrès sont incroyables. Je touche au but. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est pas... Si. Le cerveau du général. Regardez. Tenez, professeur. Le général dans un bocal. Oui. À ce rythme, j'espère tenter la transplantation dans 3 ou 4 jours. Et c'est là que Charles de Gaulle intervient. Le veau. J'ai pensé qu'il était trop risqué, professeur, de tenter directement un premier clonage du cerveau du général sur un être humain. Il faudrait trouver un corps compatible et jamais nous n'obtiendrons d'autorisation, surtout dans ces délais de l'agence de biomédecine. Et puis quel porteur choisir? Quel âge? Quelle morphologie? Pour recevoir un tel organe cérébral? Un homme ou une femme? Une femme! Il est beaucoup plus raisonnable, professeur, de tenter d'abord une greffe sur un animal. J'avais d'abord pensé à une truie ou un verra, dans la mesure où cet animal, comme vous le savez, a des organes très proches des nôtres. Mais je me suis dit qu'un porc, ça manquait un peu de dignité pour réincarner un ancien chef d'État. Et puis le général l'a dit lui-même. Les Français sont des... Entrez. Monsieur le Président, Madame Jourdain... j'ai pris la liberté de constituer discrètement une petite task force. Une équipe, monsieur le Président, d'experts, les meilleurs, pour vous préparer en quelque sorte à devenir le général, monsieur le Président. Je vous présente donc deux de nos trois experts, triés sur le volet, et qui vont prendre en charge votre préparation. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, voici d'abord la colonelle Trainer. Trainer. Mes respects, monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de participer à votre formation. 15 jours, ce ne sera pas trop. La colonelle, qui est instructrice de nos unités spéciales... Lorsque combat, parachutisme, survie en milieu hostile, j'ai combattu contre les Irakiens, les Gilets jaunes et les Syriens, monsieur le Président. Très bien, mais qu'est-ce que... La dimension militaire est première dans la figure historique qu'incarne le général de Gaulle. Bien que vous soyez déjà notre chef des armées, j'ai pensé que la colonelle était à même d'approfondir votre instruction. On va faire de toi un soldat, soldat. On commence demain matin par un training physique, monsieur le Président. 6 heures, dans les jardins, footing de décrassage. Quelle heure? C'est-à-dire... Je peux me joindre à vous pour le footing? 6 heures, c'est un poil tôt, mais elle a raison. C'est super de commencer par ça. Moi, je crois beaucoup au corps. Le corps, c'est notre instrument. Monsieur le Président, je vois qu'il a pris les devants. Je vous présente le comédien qui sera en charge de vous aider à améliorer votre expression orale. Et physique. Très important, le physique. La posture, pour incarner le personnage. Surtout celui-là. Le regard, les bras, la voix. Je vous ai compris. Oula, impressionnant. Et là, je ne suis pas échauffé. Et vous êtes... Comédien, acteur. Oui, non, j'ai bien vu que... Non, je veux dire, votre nom. Mon nom? Vous le connaissez, mon nom, monsieur le Président. Vous m'avez souvent vu, j'imagine. Au cinéma. À la télé? Ou peut-être dans la pub? Ah oui. Mais je vois très bien votre nom. Oui, je vois très bien, Oh, ça m'agace. Je l'ai sur le bout de... Là. Langue. Barthe. Comment? Labarthe. Lambert Labarthe, monsieur le Président. Monsieur Labarthe a notamment incarné le général il y a quelques années dans un téléfilm. Je vous ai compris! C'est étonnant. Vous avez joué le... Parce que vous n'avez pas tellement la voix du... C'est pas la voix qui compte. C'est l'intention. Vous comprenez? Mais je me souviens maintenant. Oui, Lambert Labarthe, bien sûr. Il me semble bien J'ai que... adoré incarner ce personnage. Le public aussi, je crois, a adoré. Je dis incarner, oui, parce que on ne joue pas le général. Jouer n'est pas un jeu, monsieur le Président. Incarner, vous comprenez? La chair, vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui, incarner, la chair, je vous ai compris. Je vous ai compris. C'est super ça, monsieur le Président. Vous avez déjà des phrases du général qui vous viennent toutes seules. Ah oui? Je vous apportais une impression de l'appel du 18 juin. Commencez à l'apprendre ce soir. C'est-à-dire, j'ai pas trop le temps. Au moins le début. On se fera des italiennes pendant le footing. Quelles italiennes? Pardon, c'est du jargon de professionnel, un truc d'acteur. Ça veut dire que je vous ferai réciter le texte, monsieur le Président, pendant qu'on courra avec la colonelle. Moi, évidemment, je le connais déjà par cœur. Moi, général de Gaulle... Actuellement, allons. Maman Mouchi, gentil, allons. Pardon, Lambert, c'est pas contre vous. Il aime pas le théâtre. Encore moins que mon mari. Bon, Jacques, et le troisième? Vous avez parlé de trois experts. Je sais que vous vous occupez personnellement de la garde-robe du président, mais... J'ai pensé qu'il ne serait pas inutile de nous adjoindre les services d'une jeune styliste réputée pour relooker le président. J'ai dégoté, si vous me permettez l'expression, une influenceuse incontournable sur les réseaux. Donc incontournable tout court. Elle va vous aider, monsieur le président, à entrer dans la peau du personnage. Très important, le costume. L'uniforme. Le costume. L'uniforme. Précisément. L'idée de cette styliste serait de s'inspirer des costumes personnels du général, en les remettant au goût du jour. Un costume civil détendu, mais qui rappellerait discrètement la rigueur de l'uniforme. Le kaki, ça va avec tout. L'idée est que le président essaye des costumes personnels du général. Moi ? Dans le costume du général ? En dehors de Colombey, il en existe quelques-uns conservés aux Invalides. Ok. On l'habille quand ? Je veux y être. Oh, naturellement. J'ai donné rendez-vous à la styliste au musée demain soir, après la fermeture au public. Parfait, on se retrouve demain soir au musée. Et demain matin, dans les jardins, 6h. 6h. 6h. Incarner la figure historique française, ça fait rêver ou c'est totalement écrasant? C'est uniquement maintenant que le film sort que je comprends la folie qui m'a saisi. Parce qu'il faut être fou pour incarner De Gaulle? Ah, il faut une inconscience absolue. Je pense que si j'avais la conscience que j'ai aujourd'hui de l'enjeu, je serais parti en courant. Encore un effort, soldat. C'est comme à la présidentielle. C'est le dernier tour le plus difficile, mais on ira jusqu'au... Et on continue le texte, monsieur le président. J'en étais où? Mais le dernier mot. Oui. Moi, je fais juste le texte. Déjà, j'ai du mal à... Allez, allez! À la guerre comme à la guerre! Mais le dernier mot est-il l'espérance? Doit-elle mourir? Disparaître! L'espérance doit-elle disparaître? Non! Quoi, non? Ah oui, non. L'espérance doit-elle disparaître? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France... Monsieur le Président! Vous voyez bien que je m'entraîne, Jacques. Venez avec nous si vous voulez me parler. Rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Monsieur le Président, concernant l'adoption de votre dernier projet de loi... Non. Ne me parlez pas de dégainer une nouvelle fois l'article dont on ne dit pas le nom. On l'a beaucoup utilisé dernièrement. 100 fois, monsieur le président. Pile, ça se fête. Mais j'ai une bonne nouvelle. Figurez-vous qu'on a découvert un autre article que personne n'a jamais pensé à utiliser. Je dois dire que c'est assez drôle, je vous l'ai apporté. Je ne sais pas comment on est passé à côté. Écoutez ça. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique... Mais jusque-là, ce n'est pas désopilant. Attendez. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Non. Ah, merci de vrai. Ils ont foutu ça dans la Constitution. C'est quel numéro ? 47, alinéa 1, monsieur le président, noir sur blanc. Alors là, bravo, Jacques, bravo. Donc, ça veut dire qu'il suffit d'adosser n'importe laquelle de mes réformes au projet de loi de finances et... Et hop, monsieur le président. Et comme on peut tout rattacher au budget... Non, mais c'est génial. Et pourquoi ? Pourquoi je m'emmerde depuis toutes ces années avec leur navette parlementaire ? Et que je t'examine le texte en première lecture à l'Assemblée, et que papy mamie donne leur avis en deuxième lecture, et que ça repart dans l'autre sens, pour un tour à la buvette. Pas les Bourbons, tu m'étonnes, quel spectacle. Il n'y a qu'à regarder la bordélisation pendant les questions au gouvernement, et ça crie, et ça pleure, et ça passe son temps sur Twitter, et que je te fais des bras d'honneur, c'est le PMU de Guingamp à 23h. Monsieur le Président. Quoi ? Vous faites des rimes. Vous faites des rimes, Monsieur le Président. C'est de lui donner vie à ce grand homme, mais pas de l'imiter. Parce que, voilà, on n'est pas des imitateurs, on est des interprètes. Donc il s'agit de se glisser dans les pas du personnage, du costume, et de raconter une histoire. Allez-y, monsieur le président, essayez vos chaussures. C'est hyper important que vous soyez bien dans vos choses. Donc ça, c'est les vraies chaussures à De Gaulle ? Oui, et on m'a demandé que vous en preniez grand soin, hein, monsieur le président. Oui. Alors, chérie ? Je risque pas de les élargir, hein. Je nage dedans. Bon, le fut, on verra plus tard, mais déjà, faudrait essayer une veste. Ils étaient classe, les mecs, à l'époque, hein. Maintenant, les hommes, ils savent plus s'habiller. Ça coûte cher, un costume. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Et on peut essayer ce qu'on veut, là, dans tout ce qui est exposé ? Cool. Alors déjà, pour commencer, on va prendre... la casquette. J'adore les casquettes. Et là, avec les petites étoiles, il y a un côté glitter un peu. C'est son képi d'apparat. Ouais, le képi. Et je vais prendre ça aussi. Ah, la mallette en cuir, j'adore. Ah, j'adore. Trop vintage. Hyper important, les accessoires, monsieur le président, pour le total look. Mais alors, par contre, la veste, c'est galère. Il n'y a rien, rien, rien. Ah, si, celle-là. La rouge et bleue, elle est marrante. Elle est à De Gaulle. Il a été majorette. C'est son costume de Saint-Cyr. C'est quel jour déjà, la Saint-Cyr? Pardon? La Saint-Cyr, c'était une fête, non? Qu'on faisait avant. Un peu comme Halloween. Ils mettaient des costumes pour la Saint-Cyr, c'est ça? Pas tout à fait. Bon, en tout cas, j'adore. Hein. Mais la couleur, c'est peut-être un peu too much. Par contre, le chapeau, vraiment, j'adore. Chaco. Quoi? Pas chapeau. Non, non, rien. En tout cas, j'adore. Hein. Les plumes, c'est top. C'est hyper classe. Moi, je suis pour, monsieur le président. À 2000%, je vous le dis. En plus, la couleur et les plumes, ça vous donne un petit côté gender fluide. Je suis pas certaine. En fait, non. Non, en fait. Ok. Ok. Bon, bah, on va rester sur du classique. C'est moche. Ça, c'est triste. Ouais, celle-là, à la rigueur. Enfin, si ça vous va, hein, madame la présidente. Pourquoi pas? Tenez, monsieur le président, filez-moi ça. Doucement, hein, s'il vous plaît. Elles n'ont pas été portées depuis 1970. Alors? Alors? La couleur n'est pas déplaisante, monsieur le président. Mais la coupe n'est catastrophe. Il va falloir que je reprenne tout. Monsieur le président, le costume à De Gaulle, il est beaucoup trop grand pour vous. Et la voix du général, vous l'avez trouvée comment? Quelle a été votre méthode de travail? Évidemment, j'ai essayé de me rapprocher de la statue du général, mais après, il a fallu l'oublier et surtout pas tomber dans la caricature, puisque tout le monde en France imite le général. Donc dès qu'on imite, on est dans cette caricature. Il fallait surtout pas tomber dans ce piège. Arrête, c'est moi, c'est papa. Il te reconnaît pas à cause de l'uniforme et du képi. Oui. Oh, et puis, enlève-moi cette moustache. Ah non, moi j'aime bien, ça donne un petit côté... Non, non. Aïe! Et les manches, elles sont pas un peu trop... Si, si. Je comprends un peu. J'hallucine, ça fait 3 fois que je les raccourcis, ces manches, que je rétrécis les épaules, il est encore trop grand pour vous. Bon, on verra pour le costume. Allons-y, monsieur le président. Oui, asseyez-vous, je commence. Le regard, monsieur le président. Oui. Les bras et la respiration. Ouais. Je vous ai... Ma mouchie, couchez. Il est con, ce chien. Moi, je voulais un labrador. Un labrador, ça fait quand même... Bon, asseyez-vous tous. Bon, j'ai fait quelques coupes. Le gouvernement français a demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France... La lutte devait continuer. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Alors? Alors là, pardon, mais c'est une catastrophe. C'est ce costume aussi, c'est ridicule. C'est vrai que... Oh, la ferme, ça, Bernard. Acteur studio, mon cul, ça ne marche pas, cette voix et ces gestes. On dirait un sémaphore. Et sur le fond, monsieur le président, je crains qu'évoquer la résistance ne fasse qu'attiser la colère de nos concitoyens. Oh, c'est votre faute, Jacques. Vous faites répéter mon mari comme un perroquet. Alors que ce qu'il faut, c'est comprendre l'essence du gaullisme. Ça doit quand même pas être sorcier, merde! Quand on voit le nombre d'abrutis qui se prétendent ses héritiers... Bon, on reprend tout à zéro. Il faut que j'arrête d'essayer d'imiter le général. Je dois m'inspirer du général. Écoutez-moi tous. Dans une semaine, le professeur Latour sortira son De Gaulle. Il nous reste donc 7 jours pour proposer une alternative crédible. 7 jours et 7 nuits pour préparer le discours parfait. Dans une semaine, je lance le rappel du 18 juin. Le grand Charles attend. De François Perrache. Avec Fabrice Drouel, François de Broer, Gilles Privat, Marie-Christine Horry, Jean-Luc Vincent, Jean Aucotrel, Lison Daniel, Martine Chambachère, Christophe Brault et Constance Dolé. Bruitage Sophie Bissens. Documentation et archives Claire Tesser, Rebecca de Nantes. Coordination Christophe Barrère. Prise de son, montage et mixage Bruno Mourlan, Pierre-Henri, Titouan Oex et Léonide Makoff. Assistant à la réalisation Pablo Valero et Eleonora Farad. Réalisation Cédric Ossir. Demain, nous écouterons dans Affaires sensibles la fiction deux nouveaux épisodes de la série Le Grand Charlatan, les épisodes 3, le rappel du 18 juin, et l'épisode 4 et dernier épisode, le concours.